prend tout avec nos armes et mots. On s'infiltre faux, fait péter tous les carreaux. Sortir de la jungle urbaine avec un mic dans les chicots. Nous serrons de nouvelles pompes professionnées dans nos locaux. On pénètre sur les dieux et la tenue se camouflage. Avec la haine au ventre et avec toujours autant de rage. Et dans le camp adverse, alors reste pas sur le passage. C'est petit jeu des victimes et c'est pour ça que le peuple m'engage. Loin d'être des mercenaires, on avance, on se démerde, rien à perdre, mal à la main. J'entends la foule sans cagoule, mais j'ai la trouille, le faux qui mouille, le papy tend d'un jeune fou. Heureux de revenir, liquifier ta dépouille. Au père guérilla, allez viens on y va. Gauche à droite, on musique va. Libérer nos camisoles, des kémikas, ceux qui s'envolent en pleine nature. Pied au mur, avec un scud en guise d'armure. Après explosant en pleine figure, à coup sûr, c'est la morsure. Qui amorce le décor obscur, mais clairvoyant dans l'écriture. Sans cesse caché dans l'ombre, on convictionne des putains de... Aujourd'hui il faut que ça pète, ouais, aujourd'hui il faut qu'elle gronde. Sur les codes j'y pirate, avant qu'un morsure vous scie les pattes. Dévaste tout sur son passage comme un terrible orage. Vas-y tout le monde, on s'y chasse sur les arrières. Rafale de pas faire pâle, il faut manger la poussière. Ce soir tout va brûler, j'ai la rime incendiaire. Ma plume est sanguinaire, ça finira dans le cimetière. Au père guérilla, allez viens on y va. Au père guérilla, allez viens on y va. Au père guérilla, allez viens on y va. Mon arsenal, brutal et radical, il faut que mon art fasse mal. J'ai les munitions, j'ai pour la distribution. Et pour la révolution, j'apporte ma contribution. Pour la liberté de l'expression, on tourne pas en rond, on y va à fond. Yo, yo. Comme des kamikazes, on est prêts pour sacrifice. Nos ennemis finissent au fond du précipice. Nos cibles disparaissent dans ce feu d'artifice. C'est plus la mort sur pause, sa pierre à l'édifice. Père guérilla, allez viens on y va. Père guérilla, allez viens on y va.